بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض الآن المسألة التاسعة، نوفيام مسألة. قال المؤلف في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Toujours dans sourate al-Baqara, que l'auteur cita le verset, la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre, puis orienta sa volonté vers le ciel, ou vers le ciel. Et Ani Qasada, là, dans le sens de vouloir quelque chose. Fiad al-Ma'ana. La traduction qui est dans mon Moussa, c'est ça qu'ils disent. Verset 29, Surat al-Baqara. Qala, rahmallahu ta'ala, هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال. Donc ce verset est une preuve que la création de la terre a eu lieu avant celle du ciel. Et cela par preuve du terme ثم qui sera dû par ensuite en français. C'est-à-dire qu'il apporte un ordre. Quand on dit « summa », c'est une chose qui s'est passée par la suite. Ça amène à une interruption de l'action, puis une poursuite. « Mathalan taqul ja zaydun summa amr ». C'est-à-dire que Zayd est venu, et après lui, une fois que Zayd est venu, après lui, Amr est venu. « Adam min huruf al-atf ». وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلا أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Et également le verset dans Sourate Sajda, la prosternation, prouve la même chose, que la terre a été créée avant le ciel. Dans Sourate Fussilat, il dit dans le sens « Est-ce que vous mécroyez en celui qui a créé la terre en deux jours ?» Fussilat, verset 9. Et dans le même verset, jusqu'au verset 11, il dit par la suite dans le sens « Puis, il se tourna dans le sens, se consacra vers le ciel » alors qu'il était encore fumé. Ani pour lui parler ainsi qu'à la terre, pour lui dire, venez vers moi en toute obéissance. Alors que dans Sourate Naziat, on a un verset qui démontre que le fait que Allah a planifié la terre, cela a eu lieu après la création du ciel. Car il a dit dans le sens, est-ce vous qui êtes de plus dure création, ou bien le ciel qu'il a construit ? Verset 27. Puis il dit dans le sens, et la terre, après cela, il l'a aplani. Anibar de Zalika, il l'a aplani. Donc là, il apparaît, ou il pourrait laisser apparaître une forme de contradiction. Qui va être vite, alhamdoulilah, élucidé. قال اعلم اولا ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجميع بين ايه السجده وايه النازعات فاجاب ان الله تعالى خلق الارض اولا قبل السماء غير مدحوه ثم استوى للسماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الارض بعد ذلك وجعل فيها رواسي والانهار وغير ذلك. Donc il dit sache premièrement que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a été interrogé à propos du lien entre le verset de Sajda, prosternation, et celui de Naziat. Il a répondu que Allah a créé la terre en premier lieu, avant le ciel. Mais quand il a créé la terre, elle n'était pas planifiée. Ce qu'on appelle Al-Dahu. T'as même Al-Dahu. C'est la différence qu'il y a dans les versets entre Khalq et Daha. Ce sont deux verbes différents. Donc Allah a créé la terre avant le ciel, sauf que la terre n'était pas encore aplanie. Ensuite, il tourna sa volonté vers les cieux, ou vers le ciel, Et de là, on fit sept cieux, et selon l'espace de 2 jours. Et après qu'il ait fait cela, là, il a aplani la terre. Il a aplani la terre. Et il y plaça les montagnes ainsi que les fleuves et autres. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودوحها بجبالها وأحجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء يدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. Donc il a dit que la base de la création, l'origine de la création de la terre a eu lieu avant celle du ciel. Par contre, le fait qu'il ait étendu et qu'il l'ait aplani et qu'il y ait placé les montagnes ainsi que les arbres et autres, cela a eu lieu après qu'il ait créé les cieux ou qu'il ait créé le ciel. Comme il prouve sa parole dans le sens où il dit que la terre, après cela, il a planifié, c'est-à-dire après la création, après les avoir mis en sept cieux. Il n'a pas dit qu'il a créé la terre. Il a dit qu'il l'a aplani. Et cet acte de Dehu, il a été justement lui-même expliqué par sa parole lorsqu'il l'a dit, dans le sens, parlant de la terre, et qu'il en a sorti son eau ainsi que ses pâturages. Dans le Nazirat, verset 31. Taim, Dehaha, Mamanaha, Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Le fait qu'il ait fait le Dehu de la terre, cela veut dire qu'il en a sorti ses sources, ses eaux et ses champs et ses pâturages. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه مفهوم من ظاهر القرآن العظيم. Il dit donc ce lien qu'a fait Ibn Abbas, qui est lié entre ces deux versets, est une chose qui est claire, qui ne comporte aucun problème. Et cela coordonne avec l'apparent du Coran. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est la première partie de ce dars. C'est la première partie de ce dars. Et on finira, inshallah, dans le dars précédent à propos de ce verset. Fa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.